Commençons en priant, si vous permettez. Seigneur, c'est bon d'être ici, entre frères et sœurs. On est rassemblés en ton nom. Et tu nous as promis d'être au milieu de nous lorsqu'on serait rassemblés en ton nom. Merci d'être là, Seigneur. Merci pour ta présence. Les chants qui m'ont béni, qui ont fait du bien à mon âme ce matin, merci, Seigneur. On t'adore, on reconnaît que tu es un grand Dieu, que tu règnes. Que tu es digne de régner sur nos vies, sur nos cœurs. Seigneur, on veut être exposé devant ta parole ce matin. Viens, parle-nous. Que ton esprit dans nos vies nous suscite, nous énergise, Seigneur. Amen. Alors, j'espère que vous le savez, mais on commence une série dans Notre Père. vous êtes dans le Sermon sur la montagne depuis un bon bout de temps. Donc, on commence dans Notre Père. C'est moi qui ai le premier verset. Et puis, le contexte, c'est les disciples qui demandent à Jésus comment prier. Donc, j'espère que ça vous tente d'apprendre à prier, parce que c'est le contexte. Si vous ne voulez pas apprendre à prier, on arrête tout ça là, puis on s'en va chez nous. Donc, il faut être disposé. Il faut avoir un cœur disposé. C'est une, s'il vous plaît, de vieille prière. Hein? C'est une prière, probablement la prière la plus connue de tous les chrétiens sur la terre, le Notre Père. Vous la connaissez peut-être par cœur. Moi, je l'ai appris, j'étais petit gars dans l'église avec mes parents. Je l'ai appris par cœur. Je suis content parce que c'est la prière que Jésus a enseignée à ses disciples comme un modèle. Donc, Jésus nous enseigne à prier. Qu'est-ce que ça prend pour être disposé à apprendre à prier? Même si on la connaît par cœur, je pense qu'on... Il faut se disposer à dire, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, même si on l'a, tu sais, parce que c'est pas quelque chose de nouveau, hein? Donc, il y a peut-être un petit peu moins d'intérêt, un petit peu moins de sex appeal, mais quand même, soyons disposés. Je vous invite à être disposés, à dire, qu'est-ce que le Seigneur a à nous apprendre là-dedans ce matin? C'est la prière la plus connue de toute la chrétienté. Puis, on la connaît tellement, mais en me préparant, je me demandais, je la connais, oui, mais est-ce que je la vis? Est-ce que je la vis vraiment? Puis c'est mon défi que je m'adresse, c'est le défi que je vous adresse aussi. J'aimerais qu'on puisse non seulement la connaître puis la réciter par cœur, mais aussi la vivre. Parce que c'est une belle prière. Elle est tellement connue que quand on la prie, il faut réaliser qu'il y a quoi, 1,2 milliard de chrétiens sur la terre à peu près. Là. Quand je suis en train de la prier, peu importe où je suis, hein, en train de laver la vaisselle, de tondre mon gazon ou tout ça dans ma chambre, ou peu importe ce que je fais, ou à l'heure du jour, qu'il soit 3 heures du matin ou 7 heures le soir, il y a sûrement un autre chrétien qui est en train de prier Notre Père à quelque part sur la terre. C'est spécial quand on s'arrête à ça. Je vais dire le Notre Père, puis je sais qu'il y a un autre croyant sur la planète qui le dit lui aussi en même temps que moi. C'est comme si ça nous unit à quelque part, hein, parce que c'est Notre Père. C'est une prière qui est au pluriel. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. On va rentrer dans ces détails-là. Donc, mon but ce matin, c'est d'y aller mot par mot. On peut avancer la première. Donc, ce ne sera pas trop compliqué. Hein? On y va mot par mot, puis je vais réfléchir avec vous sur ces mots-là. Ça commence avec un « notre », qui est un mot quand même assez spécial. Jésus nous enseigne à prier en commençant en disant « Notre Père ». Et déjà, il faut se laisser interpeller par ce mot-là, parce qu'il n'a pas dit... Quand vous allez prier, dites pas « Oh Dieu », dites pas « Le Dieu », dites « Notre Dieu ». Hein? Si vous venez chez nous après-midi, puis c'est la première fois, puis je dis « Est-ce que tu viens visiter notre maison ?» Je vais utiliser le mot « notre maison » parce que la maison m'appartient. D'accord avec moi? Hein? C'est un pronom possessif. Le mot « notre », c'est un pronom possessif. Donc, « notre maison ». Donc, est-ce que Jésus est en train de nous dire que Dieu m'appartient? Quand je m'adresse à Dieu en disant « Notre Père », est-ce que je suis en train de dire que Dieu m'appartient? Tous les visages sont fixés sur moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Intéressant. C'est une maison. Je dis qu'elle m'appartient. Peut-être qu'elle ne m'appartient pas, peut-être qu'elle appartient encore à la banque pour un bon bout. Ma chemise, OK? C'est ma chemise. Ma chemise m'appartient. Mais est-ce que Dieu m'appartient comme ma chemise m'appartient? Oui? Moi, je dirais que c'est dans le but de dire que l'ensemble des gens ont un Dieu. Oui? à tout, il n'est pas juste à moi, ça c'est sûr. C'est oui, c'est au pluriel. Mais si je parle d'un bien, de notre maison, c'est quelque chose, mais si je dis c'est notre fille, j'ai une fille qui s'appelle Andréane, elle a 18 ans, qui connaît bien Bérangère. Si je dis c'est notre fille, est-ce que ma fille m'appartient? C'est pas pareil que ma chemise, mon char, ma maison. Hein. Déjà, c'est pas la même chose. Oui, ça veut dire qu'il y a un lien, il y a une complicité, il y a une relation particulière, mais je peux pas dire que ma fille m'appartient. Elle m'a été prêtée, oui. Donc, c'est plus dans ce sens-là, je pense qu'on peut s'adresser à Dieu. Notre, est-ce que je peux pas dire que Dieu m'appartient, que je peux le mettre dans ma petite poche, là, puis je le contrôle, puis je le possède. Je peux jamais dire que je possède Dieu. Mais à quelque part, Dieu se laisse posséder par nous. C'est ça qu'il y a de spécial dans la chrétienté. Jésus nous enseigne avec ce mot-là en disant « notre ». Dieu veut se laisser à quelque part posséder par nous, au point même où il vient vivre en nous, hein, par son esprit. Mais à quelque part aussi, je peux dire, c'est probablement plus moi qui dois lui appartenir que Dieu m'appartenir. Hein? Donc, remettons les choses là, dans leur ordre important. Fait que Jésus part raide, je trouve. Hein? Il nous enseigne à prier, il dit « adressez-vous à Dieu en disant « notre ». Comme si on pouvait posséder Dieu à quelque part. Mais il faut réaliser que non, je ne pourrais jamais posséder Dieu. Dieu m'échappe, Dieu est bien plus grand. Et même à plusieurs, même si on dit au pluriel, même si on est plusieurs, il ne peut pas nous appartenir. Hein, qui peut vraiment capturer Dieu? Mais ça quand même, ça détermine une relation particulière. Jésus veut nous enseigner quelque chose, qu'on peut avoir une relation particulière avec Dieu en disant « notre ». Quand Jésus utilise ce mot-là, il dit quelque chose sur lui-même et il dit quelque chose sur nous. De lui, hein, Jésus l'a prié cette prière-là, et c'est probablement pour ça, probablement parce que les disciples l'ont entendu prier, qu'ils nous ont dit « enseigne-nous, qu'est-ce que tu es en train de dire là? C'est nouveau pour nous autres, on n'est pas habitué de prier de même. » Donc, en utilisant ce mot-là, Jésus dit quelque chose sur lui. Il parle de son appartenance à la fraternité humaine. Il est en train de dire là, qu'il est notre frère. Donc, c'est quand même assez révélateur. Il se fait nôtre. Hein? Un petit jeu de mots ici. En utilisant le mot « notre », il se fait nôtre. Il fait partie de la gang. Il dit « je fais partie de votre gang. C'est ma prière, c'est la vôtre aussi. » Et ça dit quelque chose de nous aussi, parce que ça l'indique aussi notre communion avec le Christ. C'est la prière de Jésus et elle devient aussi la nôtre. Donc, quand on l'a dit, je suis uni à Jésus, je suis uni aussi avec tous les autres croyants, les 1,2 milliards de chrétiens qu'il y a sur la terre. Qu'ils soient, peu importe leur allégeance, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient orthodoxes russes, qu'ils soient orthodoxes grecs, qu'ils soient protestants, baptistes, pentecôtistes, frères mennonites, on s'en fout. On peut tous dire ce Notre Père-là ensemble. Et, à quelque part, ça vient nous unir. Donc, un premier commentaire sur le mot « notre ». Un deuxième commentaire, c'est qu'il ne nous enseigne pas en disant « mon Dieu ». Il nous enseigne en disant « notre Dieu ». C'est quoi la différence entre « mon » et « notre » ? Exact. C'est que c'est pluriel. Ça nous parle de communauté. Hein? Vous avez probablement remarqué que dans Notre Père, il y a le Notre Père, et plus loin, c'est « pardonne-nous ». Hein? C'est « donne-nous notre pain », c'est « délivre-nous du mal ». C'est une prière qui est au pluriel. Alors, quand je la prie, faut toujours que je réalise que c'est une prière pour la communauté. C'est pas une prière pour moi-même. Intéressant. « Notre Père », c'est une prière qui est au pluriel. Donc, si je dis « quelle différence ça fait si je dis « c'est ma fille Andréane qui a 18 ans » Si je la présente, admettons, Daniel elle vient chez nous, puis je dis, tiens, ça c'est ma fille, Andréane. Quelle différence ça fait si je dis ça versus Daniel, c'est notre fille? C'est quoi la différence si je dis ma fille ou notre fille? Il y a un lien, un rapport avec familial. Ouais. Pas rien qu'à moi, hein? Il y a quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas fait tout seul, cet enfant-là, moi. Il y a quelqu'un d'autre dans le décor. Vous êtes d'accord avec moi? Ma femme est impliquée. Si jamais je suis séparé ou divorcé, je vais peut-être présenter ma fille en disant « ma fille ». Mais étant donné que ma femme est encore dans le décor, je vais la présenter en disant, c'est notre fille. Donc, je ne suis pas tout seul dans ta tente. Même chose ici. Quand je dis notre père, ben c'est parce que je ne suis pas tout seul. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées aussi. C'est parce que la personne qui est assise à la chaise là, elle devient ma sœur, elle devient mon frère. Alors, on n'est pas des inconnus. Si on a tous le même père, on devient tous frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est le Dieu de mes frères et le Dieu de mes sœurs aussi. Ça change quoi dans ma prière, le fait que ça soit au pluriel? Je pense que ça nous aide à ouvrir nos horizons. Ça me force de me demander ce qu'ils en pensent. Quand je prie, ça me force à me demander, ben, je ne suis pas tout seul. Qu'est-ce que les autres feraient à ma place? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils pensent de mon état, de ma requête? On ne demande pas seulement pour soi, mais on demande pour nous. Hein? Le focus de la prière est sur Dieu et nous, et non pas juste sur moi. Jésus, il était sur la croix, puis il a dit « mon Dieu ». Donc, il s'est adressé de façon personnelle, en n'utilisant pas le pluriel, mais en utilisant le pronom singulier. Hein? Il a dit « mon Dieu ». C'est correct. Il y a une place dans la prière. Jésus nous enseigne à prier. Il y a une place dans la prière pour une prière de solitude. Hein? Jésus dit, si tu veux prier, va dans le secret de ta chambre, puis fais-le. On n'est pas obligé de toujours prier en public, pas parce que c'est au pluriel qu'il faut toujours le faire ensemble, mais ça m'indique que même quand je suis seul dans ma chambre, puis je fais le Notre Père, ben, le focus est sur Dieu et nous, et non pas je. Hein? C'est une prière collective. Donc, c'est une prière, non pas qui nous enseigne un repli sur soi, une préoccupation de soi uniquement, mais c'est une préoccupation pour l'ensemble de la communauté. Une prière privée, oui, mais jamais un repli sur soi, jamais une préoccupation de soi seul. Donc, c'est ce que Jésus nous enseigne avec ce petit mot « notre ». Père, maintenant, passons au deuxième mot, sinon on ne s'en sortira pas. Hein? Père, c'est un mot intéressant. D'abord, est-ce que Dieu est le Père de tout le monde, de tous les humains sur la terre? Certains chrétiens disent oui, certains chrétiens disent non. Moi, personnellement, ma position, c'est que je ne pense pas que Dieu est le Père de tous les humains. Il est le Créateur de tous les humains, parce qu'il est Créateur. Mais je m'appuie sur Jean 1 qui dit... À ceux qui l'ont reçu par la foi, à ceux-là, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, tu nais dans le monde, tu es créature de Dieu, mais tu deviens enfant de Dieu par la foi et tu deviens fils et fille de Dieu par l'obéissance. C'est ce que je tire des textes. Donc, est-ce que cette prière-là s'adresse à tout le monde? Cette prière-là s'adresse aux croyants? Cette prière-là s'adresse à ceux qui ont accueilli Jésus-Christ dans leur vie? Donc, est-ce que Dieu est le Père de tout le monde? Je ne le crois pas. Oui? Dieu nous a donné la foi pour qu'on transmette aux autres. C'est pour ça qu'on a injecté de la foi. On a juste été avancé avant les autres. On a juste eu un avancement avant les autres pour aider les autres à pouvoir y arriver aussi. Fait que tout le monde, Dieu aime tout le monde sur la terre. Ça, je suis définitif là-dessus. Puis, oui. Dieu est le Père de tout le monde sur la terre. Ça, c'est définitivement vrai. Là, je suis sûre de ça. Donc, tu n'es pas d'accord avec moi? Non. Correct. OK. Pas grave. On se respecte dans nos désaccords mutuels. Oui. J'ouvrirais la parenthèse. Dieu voudrait ou aimerait être. Tout à fait, oui. Je pense que l'appel est pour tous. Dieu aime tout le monde, ça c'est sûr. Donc, quand Jésus utilise ce mot-là, Père, c'est un mot... qui a fait friser les oreilles des Juifs, parce que c'est un mot familier. Hein? C'est le « Abba, Père », c'est papa. Hein? C'est mon papa. Donc, le Juif n'était vraiment pas habitué à considérer Dieu comme leur papa, là, dans le sens filial, dans le sens proche. Et les musulmans non plus ne comprennent pas Dieu de cette façon-là. C'est Allah, c'est le Créateur, quand même éloigné, mais d'utiliser un mot familier comme ça, comme papa, papy, c'est nouveau que Jésus nous enseigne ça. n'y a pas ce concept-là non plus dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. C'est un concept vraiment unique au christianisme de voir qu'on peut considérer Dieu comme un père, penser à Dieu comme un bon père qui nous aime. Ça dit père, ça pourrait dire mère aussi. Il y a dans la Bible des beaux passages qui nous parlent de Dieu avec une tendresse maternelle, n'est-ce pas? J'en ai quelques-uns ici, là, Isaïe, Jérémie, Osée, là, où vraiment c'est le cœur de Dieu comme une mère qui nous est exposée. Donc, père, mère, Dieu est plus mère que toutes les mères et Dieu est plus père que toutes les pères. Donc, dans ce sens-là, ça veut nous indiquer là, quelque chose de filial, quelque chose de une proximité. Quand on pense à que Dieu est notre Père, c'est sûr qu'on a tous un Père biologique et Jésus nous adresse aussi, nous enseigne qu'on a un Père dans les cieux. Je ne sais pas s'il y en a d'ici qui ont déjà adopté un enfant. Quelqu'un a déjà adopté un enfant? Donc, c'était quand même un processus spécial, hein? Parce qu'on va à la crèche ou on va à l'orphelinat et puis il y a une série d'enfants et puis c'est comme si tu l'as choisi. Non? Ils nous l'ont apporté. OK. Mais c'est la DPJ qui nous l'a amené. OK. Dans on l'a choisi. Aussi. C'est ça qu'on voulait. Ou vous faites un voyage en Chine pour l'adoption internationale, des choses comme ça, et puis vous êtes exposé à différents enfants et vous le choisissez. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. Parce qu'en disant que Dieu est notre Père, c'est comme si on a été adopté par Dieu. Éphésiens aussi parle qu'on a été adopté par Dieu. C'est comme s'il nous a choisi. Puis il y a quelque chose, je trouve, de beau là-dedans, de valorisant, de dire que Dieu me choisit. Est-ce que ça veut dire que je le mérite plus qu'un autre? Pas du tout, hein? C'est tout est par grâce. Mais c'est quelque chose qui peut nous faire du bien quand même en tant qu'humain, que Dieu m'a choisi. Dieu a décidé de devenir mon père, j'ai été adopté, je fais partie de la gang. Il y a eu une sélection. Je trouve ça valorisant. Maintenant, le concept de père... Certains peuvent avoir de la misère à s'imaginer Dieu comme un père parce que leur père biologique qu'il y a eu n'était pas terrible. Peut-être que vous avez eu un père qui était pourri. Je connais des gens qui ont eu des pères qui les ont abandonnés, qui les ont abusés, frappés, etc. Est-ce que c'est possible de considérer Dieu comme un bon père quand on a eu un père terrestre de cette façon-là? La réponse est oui. Il y a une guérison qui est possible. Ça peut être un processus qui est plus long, plus difficile, parce que l'image d'un père que j'ai, je vais me représenter mon père au ciel, souvent comme mon père terrestre, ça peut être un blocage dans mon développement de foi, mais c'est quand même possible qu'il y ait une guérison à ce niveau-là. Je connais des hommes qui ont, parce que je suis des hommes comme mentor, puis on passe du temps ensemble, puis on évolue ensemble, puis on grandit, on chemine. Puis ils me content leur histoire, puis moi j'ai été chanceux, j'ai eu relativement un bon père qui m'a fait confiance. Je me souviens, moi, j'étais petit gars, puis avant Noël, il me prenait sur ses genoux, puis il jouait de l'harmonica. Tu sais, j'ai des beaux souvenirs d'enfants comme ça, j'ai eu relativement un bon père. Mais je connais des gens qui n'ont pas eu de bon père terrestre. C'est difficile, le processus est plus long, mais c'est possible. La guérison peut être là. On peut comprendre Dieu, on peut comprendre son amour, on peut comprendre quand même sa compassion pour nous, même si on a eu un père terrestre qui était relativement pas bon. Fait qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Donc, on peut comprendre Dieu comme un bon père. C'est le but de Jésus ici quand il nous enseigne cette prière-là. À quelque part, Dieu peut prendre la place aussi du pas bon père que j'ai eu dans ma vie. Il peut jouer ce rôle de paternité. Hein? J'ai un monsieur dans mon groupe qui s'appelle Eric, puis il n'a vécu des pas belles avec son père. Puis il peut affirmer par la foi que son père du ciel remplace à quelque part le père terrestre qui n'a pas été là. Okay? Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est unique au christianisme. Seul Jésus présente Dieu comme un père, un papy, quelqu'un avec qui on peut avoir une relation intime. On ne retrouve pas ça dans les autres fois. Maintenant, prochain, qui est aux cieux? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qui est aux cieux? Qui est dans le ciel, oui. Quand Jésus prononce ces paroles-là, il y a 2000 ans, Ben, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de fusée, puis il n'y avait pas d'astronaute, puis hein, il n'y avait pas tout ça. Donc, quand on disait c'est le Dieu qui est dans le ciel, ben, c'est parce que ça voulait dire c'est le Dieu qui est au-dessus de tout. Aujourd'hui, ben, on a des avions, puis on a des fusées, puis on voyage dans le ciel, puis il y a des astronautes qui ont affirmé je suis allé dans le ciel, moi, puis je n'ai pas vu Dieu. Hein? Je ne me souviens plus de son nom, mais il y a un astronaute qui a déjà dit ça. Moi, j'aurais le goût d'y répondre. Ouvre ton casque deux minutes, puis tu vas rencontrer Dieu, ce ne sera pas long. Ouvre ton scaphandre, puis tu vas voir Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est aux cieux? Ça veut dire qu'il n'est pas sur la terre, il est différent, il est au-delà, hein? Il est dans le ciel. Les scientifiques disent qu'on ne peut pas mesurer l'univers, hein? On croit que l'univers continue de s'étendre, c'est tellement grand cette affaire-là, c'est fou. On peut envoyer des sondes spatiales là, pendant des années-lumière, on n'atteint pas encore la fin. C'est dans ce sens-là. Dieu qui est aux cieux, c'est Dieu qui est au-dessus de tout, qui est bien plus grand que tout cet univers qui ne cesse de grandir. Il y a une image intéressante ici que je voulais faire avec vous, c'est lorsque l'on prie le Dieu qui est au ciel, lorsque dans l'adoration, on veut monter avec Dieu qui est au ciel, ça met en perspective aussi les autres choses qu'on peut vivre dans notre vie. Prenez l'avion, par exemple. Quand on prend l'avion, on décolle de Dorval. Ça s'appelle plus Dorval, mais moi, je l'ai toujours appelé Dorval. On décolle et plus tranquillement, les choses de la terre rapetissent. Hein? Puis le centre du pouvoir au Canada, c'est Ottawa, mais finalement, tu regardes ça puis tu as de la misère à le voir sur la map. Puis là, tu passes au-dessus de Washington, hein, qui est le centre du pouvoir aux États-Unis, puis finalement, c'est gros de même. Puis Obama, il est où là-dedans? Tu le vois même pas. Hein? De s'élever, met les choses sur la terre en perspective, n'est-ce pas? Les défis qu'on peut avoir, les problèmes. À l'époque, c'était Rome hein, qui était oppresseur. Aujourd'hui, ça peut être d'autres choses. Donc, quand on adore le Dieu qui est au-delà de tout, c'est comme si on peut prendre notre envol avec lui et mettre les choses de la terre aussi en perspective. C'est comme si on prend un pas de reculons, puis on peut mettre les choses en perspective. Les choses qu'on vit peuvent être mises en perspective quand on adore le Dieu du ciel. Hein? Gloire à Dieu pour ça. Donc, le Dieu qui est au-dessus de tout, c'est le Dieu qu'on adore. C'est le Dieu que Jésus nous enseigne. Que ton nom. Pourquoi s'attarder tant au nom? Moi, je m'appelle François. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Il y a peut-être un sens, là, mais mes parents ne m'ont pas appelé François parce que ça avait un sens particulier. Hein? À l'époque, oui, ça se faisait comme ça. On appelait les gens parce que ça avait un sens particulier. Donc, le nom de Dieu a un sens particulier. On sait dans le tétragramme là, qu'on appelle dans l'Ancien Testament, YHWH, quatre lettres, on dit Yahweh, on ne sait même pas si on peut le prononcer comme ça ou pas, hein, on n'est pas sûr, les spécialistes ne sont même pas sûrs comment ça se prononce. Qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié? Bien, que ton nom... Yahweh, ça veut dire être. Ou quand Moïse a demandé, « Ouais, mais qui m'a dit que t'es? » Qu'est-ce que Dieu a répondu? « Je suis celui qui est. Hein, je suis celui qui suis. » Il y a un jeu de mots un peu bizarre, là, même les spécialistes ont de la misère un peu à comprendre cette phrase-là. C'est comme si ça fait... pas beaucoup de sens syntaxement, mais c'est comme celui qui est toujours au présent. Dieu est toujours au présent. Je suis celui qui est. Je suis. Voici son nom. Son nom, c'est, ça représente toute sa personne. Ça représente tout son être. C'est plus que mon nom. Je m'appelle François, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour Dieu, son nom, ça veut dire tout, en fait. Ça veut dire toute son essence, toute sa personne, tout qui il est. Dans le sens de Dieu aussi, le nom d'une personne... est important. C'est pas que vous avez remarqué dans la Bible, mais Dieu change souvent le nom des personnes. Hein? Passer de Abraham à Abraham, père d'une nation, de Sarai à Sarah, princesse, de Simon à Pierre, de Saul à Paul, puis même Apocalypse nous dit, au chapitre 2, que nous aussi, Dieu va nous donner un jour un nouveau nom. Les noms sont importants aux yeux de Dieu. Donc, parce que ça représente plus que juste un nom, ça représente sa personne. Donc, quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est que c'est tout le nom, c'est toute sa personne, toute son essence qu'on veut penser, qu'on veut réfléchir. Sois sanctifié. La dernière ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il y a le mot saint là-dedans. Le mot saint, ça veut dire quelque chose qui est pur, qui est sans défaut, qui est parfait, correct. Mais il y a un autre sens aussi, ça veut dire qui est autre, qui est différent, qui est spécial. Chez ma mère, il y a un vaisselier. Puis dans le vaisselier, il y a de la vaisselle spéciale. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, de la vaisselle spéciale. Okay, elle a reçu ça, je pense, de son arrière-grand-mère. Ça a une petite bordure bleue, c'est tout craqué. On utilise ça deux fois par année, à Noël et à Pâques. On ne mange pas dans ces assiettes-là n'importe quand. On a un set de vaisselle ordinaire chez ma mère, puis on a un set de vaisselle dans le vaisselier. Parce que c'est de la vaisselle spéciale. C'est de la vaisselle sanctifiée. OK? Tu ne mets pas ça dans le lave-vaisselle. Tu la laves en main délicatement. Puis quand tu la rapportes dans le vaisselier, tu es bien mieux de ne pas en échapper une à terre. Parce que tu risques la peine de mort. Hein? C'est sérieux. Parce que c'est une vaisselle spéciale. C'est une vaisselle sanctifiée. C'est dans ce sens-là. C'est une vaisselle qui est différente. C'est dans ce sens-là que Jésus nous enseigne à prier. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit spécial, que ton nom soit différent, que ton nom soit honoré, que ton nom soit comme de la vaisselle spéciale. Pas de familiarité. C'est ça qui est spécial, parce que d'un côté, il nous dit « Abba, Père, hein? Comme un père, là, je devrais être proche. » Puis d'un autre côté, il dit « Sois pas familier trop avec Dieu. Dieu, c'est pas ton chum avec qui tu vas prendre une bière le vendredi soir. Dieu reste Dieu. » Et veut être honoré, veut être respecté, révéré. Donc, je peux prier cette prière-là pour ma propre vie. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que tu sois une personne spéciale pour moi. Je peux prier ça pour ma famille, hein, pour ma femme et 3 enfants. Que ton nom, que ta personne, que la réputation de Dieu soit quelque chose de spécial dans ma famille. Je peux prier ça pour mon église. Je peux prier ça pour mon milieu de travail, là où vous travaillez. Est-ce que le nom de Dieu est reconnu comme différent ou on parle de Dieu comme si c'est n'importe quoi? Donc, c'est le sens ici. Jésus veut qu'on reconnaisse et qu'on adresse cette prière-là. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est déjà saint. Est-ce que je peux rendre Dieu plus saint? Hein? C'est pas le sens de la prière ici. Je veux pas rendre Dieu plus saint. Dieu est déjà saint. Mais je veux que sa réputation soit particulière, qu'il soit reconnu par les autres comme quelqu'un de spécial, non méprisé. Ça me parle aussi, cette prière-là, de l'ordre de mes requêtes. Hein? C'est la première requête du Notre Père. La première requête focus sur Dieu. Ça ne parle pas de mes besoins, ça ne parle pas de mon pain, mon pardon, puis mes tentations. La première requête parle de Dieu en premier. Et ça me parle de comment est-ce que je pourrais, dans ma vie de prière, organiser mes prières. Le focus premier est sur Dieu. Mes besoins viennent après. Prochaine, s'il te plaît, Daniel. Que ton nom soit sanctifié. Je vous pose cette question-là. La plus grande préoccupation de Dieu, selon vous, donc son désir pour nous, ou sa volonté pour nous, première part. Là, je vais te faire pitonner souvent. Laisse le doigt sur le piton, Daniel. Ma conclusion dans les Écritures, c'est que la plus grosse préoccupation de Dieu, c'est sa propre gloire. Et là-dedans, ça inclut la relation qu'il a avec ses enfants. Alors, je vais faire un petit survol des Écritures pour essayer de démontrer ce point-là. Que ce que Dieu cherche par-dessus tout, c'est sa propre gloire. Et quand on dit que ton nom soit sanctifié, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'on cherche avant tout sa gloire, son nom, sa réputation. Donc, on voit ça dans la création. Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu nous a créés pour sa propre gloire. On continue. On est rendu dans l'Exode. Donc, je fais un survol. Okay? Je parle de la création, là, puis on avance comme ça dans l'histoire de l'humanité. Exode 14 qui nous parle de la libération. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuiva. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. À l'histoire de l'Exode, Dieu veut faire éclater sa gloire. On continue. Le psaume 606 qui nous raconte aussi sensiblement la même histoire de l'Exode. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer rouge, mais il les sauva à cause de son nom. Pourquoi est-ce que Dieu fait les choses en Exode? Pourquoi est-ce qu'il délivre son peuple? À cause de son nom. Pourquoi est-ce que Dieu donne la loi de Moïse, les 10 commandements? Il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, qui sont en bas, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » C'est son nom, c'est sa gloire qu'il veut préserver. Donc, que ton nom soit sanctifié. On est rendu dans les psaumes. Pourquoi est-ce que Dieu me pardonne? C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras mon iniquité. Pourquoi est-ce qu'il restaure mon âme? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est toujours cette préoccupation que Dieu a dans tout ce qu'il fait. La prochaine. On parle ici de l'exil en 587 avant Jésus-Christ. Isaïe écrit, « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. » Un peu plus loin, « C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » C'est ce qu'il motive dans tout ce qu'il fait. On continue. Dans Zacharie, qui annonce la reconstruction, « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Encore une fois, c'est ce qu'il motive. Malachie, on est rendu à la fin de l'Ancien Testament. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, voici encore ce qu'il motive, dit l'Éternel des armées. J'enverrai parmi vous la malédiction. Qu'est-ce qui motive Dieu? Sa gloire. On est rendu dans la vie de Jésus. Jean, chapitre 17. Je t'ai glorifié. C'était ça le motif de Jésus. C'est ce qui motivait ses actions. C'était de glorifier le nom du Père. Il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Maintenant, toi, glorifie-moi. » Voyez-vous cette dynamique de gloire qu'il y a entre le Dieu le Père et Dieu le Fils? Il dit, « Je t'ai glorifié, c'est à ton tour, glorifie-moi. » C'est une affaire de gloire, c'est ce qui motive Dieu. Rendu à la mort de Jésus, prochaine, voici, Jean 12. « Maintenant, mon âme est troublée. Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, Père. Glorifie ton nom. » Et une voix vient du ciel qui dit, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Une autre histoire de dynamique de gloire entre le Père et le Fils. C'est ce qui motive tout. Donc, voyez-vous que ce qui préoccupe le plus Dieu, c'est sa propre gloire. Et c'est pour ça que la première phrase de notre Père, c'est, « Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit connu comme quelque chose de spécial. » Voici la première phrase du Notre Père. On va arrêter là. Quelqu'un va continuer probablement la semaine prochaine avec la deuxième phrase, je l'espère pour vous. Oui. Question? Oui. Commentaire? C'est la fin du partage qui parle de ce qui préoccupe nous quand on perçoit. On perçoit ça d'une façon, je ne sais pas pour d'autres, mais en tout cas, moi, je pourrais percevoir ça d'une façon égoïste, que Dieu est centré sur lui-même. Et parce que dans notre conception bien humaine, là, quand moi j'entends ça, ça fait est-ce que Dieu est égoïste? Là, je sais qu'il ne l'est pas. Parce qu'on me dit, mais quand même, ça peut heurter un petit peu. Tout à fait. Juste, peut-être, si c'est possible, de développer un petit peu. Oui, parce que c'est sûr, quand j'ai réfléchi là-dessus, on connaît tous une personne dans un party qui veut toujours le centre de l'attention, puis qui est tout, tu sais, puis c'est de l'orgueil, c'est de la vanité à l'état pur. Mais de savoir que Dieu est saint, que Dieu ne cherche pas sa gloire pour être vaniteux et orgueilleux, parce que si on réfléchit deux secondes, si Dieu pouvait trouver sa gloire dans quelque chose d'autre que lui-même, mais il ne serait plus Dieu. C'est normal qu'en étant Dieu, qu'en étant la source de toute pureté, de toute beauté, bien, qu'il trouve en lui-même. Oui. La façon de voir, Dieu nous a créés. Donc, comme le Créateur et Satan, c'est le sujet de l'homme. Tout à fait, oui. On peut dire que c'est une attente qu'il y a sur nous. Et je pense qu'on peut, quand on apprend, moi personnellement, j'apprends à chaque jour à adorer plus le Christ. Et c'est pour mon plus grand bien aussi. Étant donné que j'ai été créé pour être en relation avec Dieu et l'adorer, quand je le fais, c'est bon pour moi aussi. T'sais, Dieu me commande à quelque part de l'adorer, mais à quelque part, c'est ma plus grande richesse aussi. Mais ça nous permet de ne pas lui donner le crédit au cœur. Attends un peu là, il faut que je réfléchisse à ça. Il peut être très accablé par les choses de la terre. Il peut m'appeler plein de malheurs. Oui. Mais Dieu, s'il m'a créé, il me veut aussi de la bonté. Tout à fait. Il aimerait ce que tu sois parfait. Tu passes par des épreuves. Non. Mais c'est pas nécessairement de Dieu. Ça m'a respecté. Il y a d'autres puissances qui nous attaquent. Mais notre Créateur est là. Il supervise et il n'acceptera pas qu'on soit trop. Éprouvé au-delà de nos forces. On a cette promesse-là dans 1 Corinthiens 14. Mais la relation entre Dieu et nous, c'est que Dieu nous a créés. Donc, on a une redevance envers lui. Je le crois. D'autres questions, commentaires ou vous voulez peut-être. Oui, Daniel. Non, je voulais dire, la gloire de Dieu puis notre gloire à nous, c'est complètement différent. Puis un peu comme Denise disait, la gloire de Dieu, c'est son amour pour nous, juste pour moi. C'est son amour pour nous, c'est sa justice. Amen. C'est, pour moi, mais c'est vrai qu'au début, là, je cherchais sa gloire, tu penses? C'est correct, ça a chatouillé un petit peu, c'est correct, c'était le but. Dieu n'est pas narcissique, non. Non, non, non, Dieu n'est pas vaniteux, Dieu, c'est pas une. Mais j'ai une personne peut-être. Vas-y. C'est Jésus qui parle, tu sais, c'est dans Jean 15 qui parle de Seth et les sarments. Oui. Puis ça dit: Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Oui. Donc portons du fruit. Amen. Bonne semaine.